Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Sim, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. C'est la dernière chronique de l'année. Je trouve ça vraiment triste parce que quelque part, c'est une des chroniques que j'aime faire. Vous savez, ma passion pour les ligues mineures, plus les ligues mineures en général, mais lui, il a une passion pour les Québécois qui évoluent dans le baseball affilié et même baseball indépendant. On en parle avec Jacques Lanceau de jacqueslanceau.com. Bonjour Jacques. Bonjour, ça va bien, Danny? Ça va bien. Jacques, nouvelle, je suis content aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle, l'Association des joueurs du baseball majeur surveille de très près le dossier Vladimir Guerrero Jr. Je suis content parce qu'à quelque part, s'il n'est pas à Toronto, là, c'est juste une question d'argent et une question d'autonomie, d'arbitrage. C'est une question monétaire, c'est pas une question parce que le gars, il est pas prêt. Ça fait longtemps qu'il est prêt à évoluer dans le baseball mineur, dans le baseball majeur, c'est-à-dire, il aurait dû être rappelé au mois de juillet, tiens. Mais c'est sûr qu'il a été blessé, là. Mais ce gars-là, puis là, septembre, on le rappelle pas. C'est clair, là, qu'il y a une question monétaire. Puis là, l'Association des joueurs est là-dedans. Moi, c'est ça fait bien longtemps que je dis qu'il n'y a plus d'affaires dans le baseball mineur. Il est prêt pour les majeurs. Je l'ai écrit souvent et je me suis fait un petit peu taper ses doigts par des gens des Blue Jays de Toronto parce que Oswe Pelé, qui est un de mes grands amis qui travaille pour les Blue Jays, m'a rappelé que il n'y a pas une équipe qui rappellerait Guerrero dans cette situation-là parce que les Blue Jays ne vont nulle part, ça donne absolument rien et ils perdent automatiquement un an de Guerrero en raison de l'autonomie. Guerrero atteindrait son autonomie un an plus rapidement, donc les Blue Jays seraient obligés de délier les cordons de la bourse pour le garder un an de plus. C'est pour ça. Moi, je trouve ça très injuste. Écoute, les Blue Jays, c'est pas... Je l'ai déjà dit à Jacques Doucet, les Blue Jays, c'est pas les Rays de Tampa Bay, là. C'est pas les Marlins de la Floride. C'est un gros marché de baseball, là. On l'a vu, là, puis la popularité du baseball. Sauf que depuis que Shapiro et Haskins sont en poste, ils sont beaucoup plus là pour administrer un budget qu'administrer un club de baseball. Es-tu d'accord avec moi? Ils sont là pour les actionnaires. Ils sont pas là pour les amateurs de baseball. Ça, c'est dommage parce que, dans le fond, les Blue Jays, oui, mais aussi c'est la convention collective des joueurs qui nuit aux plus grandes vedettes. C'est sûr que d'autres joueurs, c'est pas bien bien grave parce que ils arrivent en septembre, c'est pas des grandes vedettes, ils perdent pas une année d'autonomie, ou en tout cas c'est moins grave. Dans le cas de Guerrero, c'est sûr que c'est un joueur de concession là. Ça vient tout changer pour la donne pour les Blue Jays. Mais une chance et on a aussi annoncé, en même temps qu'on ne le rappelait pas, qu'on l'envoyait dans la Ligue de l'automne de l'Arizona. Ça, c'est un circuit à 6 équipes qui regroupe les meilleurs joueurs, les meilleurs espoirs du baseball. C'est là qu'on va voir à quel point il est dominant. Parce que des joueurs dominants dans la Ligue de l'Arizona, là, j'en ai pas vu souvent. Il y a presque pas de Québécois qui a été. Ceux qui ont été ont pas eu des grosses statistiques, en tout cas. Cette année, on va avoir 3 Québécois, parce que Guerrero va être là avec Abraham Toro Hernandez dans la même équipe, et Charles Leblanc dans une autre équipe aussi. Effectivement, et ça va accompagner également les Blue Jays qui ont annoncé cette semaine, puisque vous me donnez l'occasion, on a annoncé que Beau Bichette va être là également, de même que Kevin Biggio, le fils de Craig Biggio, eux aussi vont jouer dans la Ligue de l'Arizona. Mais je suis content parce que là, techniquement, là, si on suit le plan des Blue Jays, ils commenceraient même pas l'an prochain. Il commencerait, il serait rappelé autour du 12 avril. Là, il aurait son année d'éligibilité. Là, à partir du 12 avril, les Blue Jays seraient corrects. Ils ne perdraient pas leur année, puis l'arbitrage, et ainsi de suite. C'est là que l'association des joueurs rentre en ligne de compte. Parce que s'il fait pas l'équipe, je pense qu'il va avoir un grief. Ben, effectivement, ça n'aurait aucun sens. En tout cas, on va voir comment il va aller dans la Ligue de l'Arizona. Là. Moi, je pense que... je le dis depuis le début, là, c'est un talent exceptionnel. Je pense qu'il va dominer dans la Ligue de l'Arizona. Puis un joueur qui domine dans la Ligue de l'Arizona, il n'y a pas de raison de ne pas être dans les majeurs au premier match de la saison qui suit. Ça n'aurait pas de sens. Mais dans le temps des expos, les joueurs, ils pouvaient aller, même s'ils étaient dans les majeurs, ils pouvaient aller un jeune, ils pouvaient aller dans la Ligue de l'Arizona. Je sais pas si les règlements ont changé, là, mais... Oui, ben c'est parce qu'à l'époque, la convention collective était différente. Il pouvait remonter... Même Guerrero aurait pu être amené avec les Blue Jays en juillet ou au mois d'août. Et automatiquement, il perdait sa chance d'aller dans la Ligue de l'Arizona. Aujourd'hui, c'est plus la... C'est, dans le passé, c'était pas cette règle-là. Aujourd'hui, malheureusement, ça prive le joueur d'aller avec les meilleurs. Effectivement. Donc, Vlad qui ne s'est pas rappelé. Donc, il a connu toute une saison. C'était un petit peu plus difficile à la fin de la saison, mais il a connu que c'est difficile parce que avec les Bisons de Buffalo, il est tout seul. Il n'y a pas d'équipe. L'équipe a fini en dernière position dans les deux, dans ce circuit-là, la Ligue internationale. Guerrero, il a performé. Il a frappé quand même au-dessus de 350. Il a produit quand même pas mal de points avec cette équipe-là, mais il n'est pas protégé. Il est tout seul à frapper dans cette équipe-là. Effectivement. C'est sûr que s'il y avait Bo Bichette, s'il y avait les autres qui progressent dans l'organisation, il aurait sorti son épingle du jeu encore mieux. Au total, pour la saison, là, c'est quand même incroyable. Il a joué 95 matchs, puis il a frappé pour 381. Tu vois pas ça, non? Non, tu vois pas ça dans les mineurs, là. Tu vois pas ça. Normalement, dans les autres clubs, ils montent des majeurs. C'est ça, 78 points produits en 95 matchs, c'est, ça ne sent pas de raison d'être dans les mineurs, il faut que tu sois dans les majeurs. Mais ça va être pour l'an prochain, je pense. Ben, surveillez ça de près, l'association des joueurs est dans le coup, puis moi, je suis content. Je suis content parce que c'est. On a vécu ça avec les expos, puis c'est plate qu'une organisation est là bien plus pour l'argent que d'autres choses. Puis les Blue Jays, Alex a été blâmé souvent, sauf que quelque part, les Rogers ont fait beaucoup d'argent en 2014-2015. Il y avait 2015-2016, il y avait beaucoup d'intérêt. Donc, je ne comprends pas le tournage. Ça ressemble aux expos. Ça ressemble aux expos. Vous avez parlé d'Abraham Toro. Ben, on va commencer avec Derek Aucoin. Comment ça a fini sa saison? Pas Derek Aucoin, à Philippe Aumont. À Philippe Aumont, c'est dit là, Derek Aucoin, excusez-moi. C'est une saison qui a fini un petit peu en queue de poisson. Là. Ouais. Il est dans la liste des blessés depuis plus d'un mois. Il finit la saison avec une fiche de 2 victoires, 4 défaites, 3 sauvetages. C'est pas si pire que ça, mais c'est sa moyenne de points mérités, 6.23. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevé. La seule chose qu'il y a de très favorable à son actif, c'est 64 retraits sur des prises en 56 manches. Ça, c'est très, très bon. On me dit que Aumont serait sous contrat pour 2 ans avec l'organisation des Tigers, mais j'ai plus l'impression que c'est la fin pour lui. Pas l'impression. Revenir l'année prochaine. En tout cas, s'il revient, il va falloir que ça va être sa dernière chance. Il n'y aura pas d'autre. Ah non, mais je pense que les carottes sont cuites. Il est rendu quoi? Il est rendu à pas loin de 30 ans, Philippe Aumont. Pas encore. Il pourrait encore lancer. Ouais, mais c'est pas à 30 ans, là, tu sais, des Philippe Aumont, là, au Québec, c'est correct, là, mais des Philippe Aumont dans le baseball mineur, il y en a plein. C'est bourré de Philippe Aumont. Là. C'est ça, il y en a plusieurs, puis il y a pas de progression dans son cas, à part le fait qu'il a, cette année, il n'a pas donné beaucoup de buts sur balle, là, et je pense que c'est 24 buts sur balle en 56 manches, et c'est vraiment beaucoup moins que par le passé, mais il n'y a pas de progression, en tout cas, je pense que c'est fini, mais on verra l'an prochain. Là. Quand on analysera sa carrière, on pourra dire que je pense que sa carrière a terminé qu'avec les Mariners, ont voulu le c'est-tu les Mariners? C'est vous, les Mariners. Oui, qui ont voulu le convertir en lanceur partant ou lanceur de relève. Ils l'ont chambardé d'un bord ou de l'autre. Puis c'est là que c'est à partir de là que ça a commencé à aller mal. Parce que quand il a commencé dans l'organisation des Mariners, ses deux premières saisons étaient très, très bonnes. Ouais. Il performait, puis on voyait qu'il s'en venait dans les majeures rapidement. Mais ça l'a cassé, ça l'a brisé. Là. Je pense que Il y a certains athlètes qui sont capables de changer de position, puis il n'y a pas aucun problème. Parce que c'est pas la même affaire, hein. C'est pas le même rôle, c'est pas la même mentalité. Il faut que tu sois fait pour un. Tu sais, il y a des lanceurs partants qui ont été en relève et vice versa. Mais il faut que tu sais, je me rappelle d'un gars comme John Wetland qui avait commencé comme lanceur partant dans sa carrière. Mais il faut que tu aies la mentalité du closer. Faut que, meilleur exemple, c'est Eric Gagné. Ouais, Eric Gagné aussi, effectivement. C'était la mentalité d'un closer. Oui, effectivement. Puis lui, Eric, il lançait 4 manches et demie, 5 manches. Quand il avait lancé 5 manches comme partant, c'était la fin pas mal. Après ça, Abraham Toro. Oh, Abraham Toro. Ça a mieux été. Je regardais vos publications, puis ça a mieux été pas mal, là. Ah, ça va bien. Il y a eu une période léthargique dans le 2A. Là. Il a commencé fort dans le 2A, ça a baissé beaucoup, ça a été un petit peu long, là, sa période léthargique, mais il est revenu en grande forme. Puis j'ai l'impression qu'il souffrait peut-être d'une petite blessure. Abraham Toro, c'est le seul actuellement qui est encore actif parce que son équipe est dans les séries éliminatoires. Il a connu quand même toute une saison. Même si sa moyenne au bâton est de 247, ce qui n'est pas énorme, là, mais il a été 551 fois au bâton dans la saison. Là. C'est énorme. Il a frappé. C'est un gars opportuniste. Il a 78 points produits en 133 matchs. C'est très bon. Il a 35 doubles. Il frappe quand même avec puissance. Là. 35 doubles, 3 trips, 16 coups de circuit. C'est vraiment bien pour lui. Je suis encore convaincu qu'il n'y a pas de place pour lui au sein de l'organisation, en haut au sein de l'organisation des Rangers de Houston. Je pense bien qu'il est dans le 2A pour qu'on le montre puis qu'on le voit pour trouver un moyen de l'échanger. Mais s'il performe le moindrement bien dans la Ligue de l'Arizona, il va être dans la même équipe que Guerrero. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait monter rapidement les derniers échelons. Effectivement. Donc, Charles Leblanc, lui, c'est un bon producteur de poids. Je vais essayer d'y parler, Charles Leblanc, la semaine prochaine. C'était une excellente saison également dans son cas. Oui, une excellente saison. Charles Leblanc, ce que les Rangers du Texas attendaient de lui depuis qu'il est avec l'organisation en 76, c'est qu'il démontre de la puissance. Cette année, Charles a non seulement démontré de la puissance, il a été régulier comme un métronome, là, il frappe pour 274, puis lui aussi, il a au-dessus de 500 de position au bâton, là. Mais il a frappé en puissance. Il a frappé 27 doubles, 4 triples, 10 circuits, ce qui est excellent, avec 72 points produits. Le seul problème avec Charles Leblanc, c'est de lui trouver une position défensive. Quand ils l'ont repêché, les Rangers, c'était comme joueur d'arrêt-court. Ça n'a pas fonctionné, Charles faisait trop d'erreurs. Il l'a envoyé au troisième but, ça a été difficile aussi. Aujourd'hui, il joue au deuxième but. Ça va un peu mieux, mais quand même, il y a tout. Là. Tout ce qui manque, là, c'est de peaufiner son jeu défensif. Puis lui, il va monter au 2A pour au 3A assez rapidement également. Normalement, quand un joueur n'est pas bon défensivement, puis on veut lui trouver une place, on le cache au champ gauche ou au premier but. Ouais, mais est-ce sauf que ça pourrait être ça? Il y a le gabarit, il y a le au champ gauche sûrement, puis au premier. Je pense qu'ils sont capables il est capable de s'améliorer à cette position-là. Et il y a tout d'un joueur d'arrêt-court. C'est drôle. C'est là que je le vois. Mais genre, qui fait 6-1, je pense. Oui, c'est ça. 6-1. Au deuxième but, normalement, les joueurs de deuxième but, c'est pas mal le top 6-1. Là. C'est rare, tu vois un gars de 6-2, 6-3 au deuxième but. C'est plusieurs des petits joueurs de deuxième but agiles. C'est ça. Fait que pour moi, au deuxième but, c'est pas vraiment sa place. Il va être dans la Ligue de l'Arizona. Là. Mais dans la Ligue de l'Arizona, là, je reviens là-dessus, là, c'est du calibre, ça, monsieur. C'est très, très fort. Les Québécois qui ont passé là, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Là. Il faut remonter. Premièrement, il n'y en a jamais eu 3 Québécois là-dedans. Là. La seule fois qu'il y en a eu 2, c'est en 2003. C'était Pierre-Luc Laforêt puis Maxime Saint-Pierre. Donc, ça fait déjà pas mal longtemps. Le dernier qui a passé là-dedans, c'est Justin Terrien. Il n'y a personne que c'est tellement du gros calibre, il n'y a personne qui se démarque. Fait qu'on va voir cette année ce que ça va donner avec nos 3 Québécois. Ça va être le fun à suivre parce que ça commence le 9 octobre. Ça va donner du baseball que je vais pouvoir suivre entre le 9 octobre puis la fin du mois de novembre. Fait que si on peut faire d'autres entrevues, il n'y a pas de problème. Ah, ben c'est bon ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelques matchs qui sont présentés normalement sur LMB Network de l'Arizona. Je sais que le match des étoiles et le championnat est toujours présenté sur LMB Network. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il va en avoir plusieurs cette année. Ouais. On va parler maintenant de qui? Benjamin Pelletier. C'est une machine à frapper. Jonathan Lacroix, il est aussi dans l'organisation des Astros de Houston. Il a commencé la saison très, très, très lentement parce qu'il relevait d'une blessure à une cheville. Mais il a fini en force, là, incroyable. Au mois d'août, il a frappé pour 310. Dans la saison, il a frappé 5 circuits, dont 3 dans les derniers jours du mois d'août. Il était très, très fort. Il a lui aussi participé aux séries éliminatoires, mais malheureusement, son équipe a été éliminée hier soir. Fait que pour lui, la saison est terminée. Mais je crois bien que les Astros vont l'inviter à leur camp de perfectionnement automnal, étant donné qu'il a joué juste une saison avec eux autres. Là, il pourrait encore aller chercher pas mal d'expérience dans cette ligue-là, puis de revenir en force pour faire le calibre A avant l'année prochaine avec les Astros. OK. On va parler de Benjamin Petit maintenant? Oui, Benjamin Petit. Ah, c'est une machine à frapper, lui. C'est le plus jeune des Québécois qui est dans le coin. Puis lui, il va bien. Il vient seulement d'avoir 19 ans. C'est un joueur qui, chez nous au Québec, là, à 15 ans, il démontrait une puissance incroyable. Quand il est arrivé avec l'organisation des Phillies, les deux premières saisons, il n'a pas frappé beaucoup, beaucoup de puissance. Cette année, il a sorti de la puissance. Il a frappé 17 doubles, 4 triples, puis 9 circuits. Au niveau de la Ligue New York Pens, dans l'équipe qui joue les Cross-Cutters de Williamsport, il a établi une marque. C'est lui qui a frappé le plus de coups sûrs, le plus de doubles, le plus de triples, le plus de circuits, puis qui a produit le plus de points, puis il a compté le plus de points de l'histoire de l'équipe. Fait que, l'an passé, il était le meilleur joueur offensif de toute l'organisation mineure des Phillies de Philadelphie. Cette année, il écrit son nom dans le livre de records de la Ligue New York Penn, mais je pense bien que l'année prochaine, il va être dans le A-fort. Et ça va être à suivre parce que c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de puissance. OK, OK. Donc là, ça fait pas mal le tour. Il en reste d'autres? C'est les seuls qui restent. Je vais vous parler d'Edouard Julien. Qu'est-ce qui se passe avec Edouard Julien? Écoute, pour les gens qui savent, c'est un joueur qui est de collégial, qui est allé à l'Université d'Auburn, qui a battu des records en sa première année freshman de Frank Thomas à l'Université d'Auburn. Donc, c'est pas rien, là. Sauf qu'il s'est mis dans des beaux draps dernièrement. Il a été arrêté. Et depuis, on n'a pas eu de nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Edouard Julien? Non, j'ai pas de nouvelles d'Edouard. Il faut dire, là, il a été arrêté pour être en état d'ébriété sur la voie publique. Là-bas, en Alabama, c'est interdit. Ici, il n'aurait même pas été achalé, là. Mais là-bas, il était arrêté. Il avait passé une nuit en prison. Ça lui a coûté 1 000 $ pour sortir de là. J'ai essayé de communiquer avec lui, mais il passe en cours le 1er novembre. Fait que je crois bien que les parents et ses avocats lui ont dit de pas parler à personne, là. Et c'est pour ça que j'ai pas de nouvelles. J'ai été voir cette semaine sur le site de Auburn. Son nom est encore sur l'alignement de l'équipe. Moi, je suis pas convaincu qu'il va pouvoir continuer sa carrière avec cette université. Ah oui? Non, parce que... C'est vrai qu'il est très sévère. C'est très, très, très sévère. Faire partie de l'équipe, il doit avoir des notes scolaires satisfaisantes, là. Puis c'est sûr que s'il est reconnu coupable, puis qu'il y a un dossier criminel qui s'ouvre pour lui le 1er novembre, là, pas convaincu qu'il va être avec l'équipe. Mais une chose est certaine, s'il joue pas à Auburn, il va jouer ailleurs. Il a trop de talent pour pas être dans ces... Mais pour suivre le football collégial, je suis pas du tout le baseball collégial, mais sur le football collégial puis le basketball collégial, ce serait pas le dernier, là. Ce serait pas le premier qui a un dossier criminel qui jouerait à l'université, là. Ah, je veux pas nommer de nom, là, mais il y a déjà eu un Québécois qui a lancé dans les ligues majeures, il y en a pas beaucoup, là, qui a été condamné puis qui a fait un mois de prison pour avoir agressé une fille dans un avion. Je sais c'est qui. Mais on se le dira off the record. Regarde, c'est... Ben Jacques, je pensais que c'était la dernière chronique, mais non, mais si tu me parles de la Ligue de l'Arizona, ça va me faire très plaisir. C'est toujours plaisant, ces chroniques-là. Donc, moi, ça va me faire plaisir et je vais suivre ça quotidiennement, comme toute la saison, j'ai suivi les joueurs. Ben bravo. Jacques Lancio de jacqueslancio.com.